je force avec le son. Force avec le son. Dévite mes vers sur le but, le poison coule à fond. La foule, coule à fond. Laisse ça faire craquer les saisons. Molotov kick cocktail. J'ai quoi les kicks, appelle les flics bordel. Micrapa de cercle, y'a un immortel. Collection de filigrane. J'y arrive ici, ici, polygramme. Lance de la mort, ici, fait qu'ici, antigramme. La tête, c'est choléra. Envoie les deux, la peste et choléra. Pas jaloux, j'les renvoie tous, c'est l'opéra. J'envoie mon rap, le rock de Memphis cash. Par la même fille, sans boîte, si sur la terre, y'a mixé, pas de chaîne, kiss-can. Kicks, kicks, kicks, brûle, me fixe, recule. Je me garde mes amis, mes ennemis, j'les encule, écoute. Mon buzz fall, j'ai punch lèche, mes dogs fâchent, les guns lèvent, trop de chat, trop peu de verre, sacré sur ces jeunes vierges. Les rimes crues, un style crade, une vie de rue, un style brave, pour un feat ou un flic, tu rates plus, y'a rien de cheese gras, les petites putes sexy croient représenter une menace pour nous. Appelle ça comme tu veux, hardcore, dégueulasse porno. Tout ton trou, c'est cri, merde, négro, et trouille, c'est cheat. On s'est fait un show, fuck le reste, on est venus tous les kills. C'est pas du lourd, c'est plus calorique, plus crade jamais. Tu vois le thème, les schlags même, car c'est de la frappe jamais. Mais t'en pas le gouache jamais, tu parles, mais personne te capte, mec, nous on t'a jamais vu, t'es comme le black. Je force avec le son, force avec le son. Dévite mes vers sur le but, le poison coule à fond, la fond, coule à fond. Laisse ça faire craquer les saisons. Je boxe avec le son, force avec le son. Dévite mes vers sur le but, le poison coule à fond, la fond, coule à fond. Laisse ça faire craquer les saisons. Un beat, une grosse caisse, faut que je blesse, tronche les sourcils, on fonce, faut que leur aide pas bronze. Faut qu'on les ponce tous, les pouces dans les grosses caisses, les fausses casses, laisse une liasse pour se merder en haine. En face, mes gars, en crèche, pour mis ton revêt. Y'a le niveau, tu vas crever, j'ai ton sang qui tâche pas ce VF. Y'a les sauts, tu chantes les lambeaux, c'est Rick Punchline à combo, Stringer Bell face à Tombo. Y'a l'équipe, fous-moi ça, ma fin de toute ma salle, ta gueule, on bouffe le bras, c'est Ricky de la crinière à mon face là. Mousse de la Roya, gauchement tour de la Hoya, bam. Le rap français n'a jamais connu de fiam, son mort. Je m'en bats les couilles, je me balade en slip comme chez ta meuf. Je vois un drapeau blanc n'ayant jamais servi. Tout je dis est à neuf. Je fais pas du rap, je fais de l'art. Je baisse, ça te blâche. Je suis une balle qui s'échappe du chargeur. Je crois que tu n'as pas de Kevlar. Rien que les guettes, les autres. Et rien que je me tape des bars. Pour les braques, une fois pour toutes, qu'on se répartisse les bars. Qu'on agrandisse l'écart entre eux et nous. Je suis pas homophobe, mais comprenez-vous. Je m'en bats les reins de ces dards. Un autre prétexte, ta tête violente. Dis pas que je suis orbite. Tiens, si t'as la cervelle trop lente, sombre et morbide. Tiens, si ton corps guide, finis dans les corps. Tu comprendras que oh my god. Je force avec le son, force avec le son. Dévite mes vers sur le but, le poison coule à fond, la fond, coule à fond. Laisse ça faire craquer les saisons. Je boxe avec le son, force avec le son. Dévite mes vers sur le but, le poison coule à fond, la fond, coule à fond. Laisse ça faire craquer les saisons. Dans le rap, s'en bat les couilles, on va la danse libre comme c'est ton queue on. Ferme son man, yep. C'est la famine, arsenic, la saga blacklist. Je force avec le son,